Être dans le F m'a filé beaucoup de ressources. Aujourd'hui je suis affilié à ceux qu'on le vend en poupe. Je n'ai que faire de petites filles qui me coursent. Y'a qu'une seule place dans le nouveau coupé. Je suis seul à connaître le nom de ma poupée. Je suis si content de l'avoir retrouvée. Pour celui qui attend, tout vient à point nommé. Il en va de même pour celui qui vivrait ou marche le point levé. Un peu comme moi, les plus désireux veulent vivre roi ou sous mon toit, être à ma place. Mais j'ai des qualités qui les dépassent. Ils sont formés pour être moi, ça ne sera jamais assez. Quand je porte mes EQT, ça creuse d'iniquité. Moi je suis dans l'équipe A, toi t'es même pas dans l'équipe B. Les vêtements que je porte vont toujours ensemble. Je me dois de rester frais pour paraître genre les micros en cendres. Combien sont-ils à vouloir entrer dans mon cercle? Encore plus nombreux sont ceux qui me veulent en cercueil. Je me rappelle de quand j'avais la ceinture serrée. Mais j'ai eu tout ce que je mérite au prix de mes cernes. Les résultats que je fournis sont toujours sérieux. S'attaquer à moi est une action périlleuse. Après l'avoir réussi, la vie devient merveilleuse. Je la goûte tous les jours et elle s'avère être délicieuse. Tout m'importe peu tant que je continue à monter. Je me rappellerai toujours de tous ceux qui m'ont aimé. Comme de toutes les salles qu'on a comblées. Je veux que les générations futures puissent contempler ce qu'on a fondé. J'ai menti, c'est pas du tout la vie que j'ai. Sinon le titre ça serait pas dans le F. J'y suis encore, sérieusement, c'est la merde là. On a besoin d'aide vraiment.